Chemin faisant. Chemin faisant. Chemin. T'es sûr que c'est le bon chemin? Chemin faisant. Chemin faisant. À la découverte des parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes. Regard croisé sur des résidences de recherche et création dans 6 parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes. Chemin. Chemin. En partenariat avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Musicienne, écrivain, écrivaine, mais aussi sociologue, danseur et danseuse, chercheur en sciences sociales. Chemin. Faisons. 12 radios dans 6 parcs vont à la rencontre de leur travail. Bonjour à tous. Alors pour ce numéro de Chemin faisant à la découverte des parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes, le rendez-vous est donné aujourd'hui par 3 radios associatives en Loire-Sud, Radio Dio de Saint-Étienne, Radio Ondaine à Firminy et Radio d'ici, donc c'est ici à Saint-Julien-Molin-Molette. Jour de marché aujourd'hui à Saint-Julien-Molin-Molette où nous avons installé notre studio dans le bar-restaurant Les Pirailleuses, que nous remercions d'ailleurs pour l'accueil. Chemin faisant à la découverte des parcs naturels régionaux, cheminement logique, en pleine continuité en tout cas. Chemin faisant, c'est un projet, un programme qui a d'ailleurs déjà donné lieu à une série d'émissions, 4 émissions. Nous faisons cheminer sur le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR65, à travers le Pila, ici même. Les chemins des Huguenots sur les balcons de la Chartreuse. Et puis également les monts d'Ardèche avec la ligne du Transsevenol. Et puis donc ici dans le Pila, en suivant le travail de la compositrice Michèle Agnès Magaillès et l'ethno-anthropologue Anne Dubos, que l'on va retrouver aussi durant cette émission. Un projet donc Radio d'ici, couleur chartreuse pour ces émissions précitées sous l'égide de la Direction régionale des affaires culturelles et des parcs naturels régionaux Auvergne-Rhône-Alpes. Alors bistrot radio aujourd'hui et autour des tables sur cette terrasse, nos invités, c'est Anne Dubos, artiste anthropologue avec qui nous évoquerons le projet Sonographie. Présente également autour de la table, c'est Alexia Palais, chargée de mission culture du parc de Pila. Il y a également Jean Villevieille qui viendra nous rejoindre, éditeur sérigraphiste et récemment installé dans son atelier à quelques pas d'ici, c'est à l'usine Sainte-Marthe. Et nous allons bien sûr échanger sur le développement des projets artistiques sur le parc et sur la commune avec Fabien Plasson, élu de Saint-Julien-Molin-Molette et du parc du Pila. Parc du Pila, parc naturel régional. Donc débutons cette émission Chemin faisant, diffusée donc sur les radios associatives non commerciales de la Fédération Aura FM, avec Didier Lazareski, chargé de mission du patrimoine du parc du Pila. Donc en quelques mots, ce parc du Pila, qu'est-ce que c'est? Alors bonjour à tous. Le parc du Pila, donc un massif de moyenne montagne qui se trouve tout en bas au sud du département de la Loire, qui s'étend un petit peu sur quelques communes du Rhône. Grosso modo, pour situer le parc, le territoire, c'est un rectangle. Vous imaginez un rectangle avec aux quatre coins Saint-Étienne d'un côté, Givors de l'autre pour la partie nord, et au sud, Vienne et Annonay, pour vous situer à peu près géographiquement. Donc historiquement, ce territoire, il est cerné par des villes et ça a contribué à finalement forger un petit peu l'économie de ce territoire. À travers bien évidemment l'agriculture qui reste majoritaire, mais également avec tout un développement d'industrie artisanale qui s'est développée dans différents domaines, mais en particulier sur le textile. Le parc du Pila, depuis le XVIe siècle, ça a commencé au XVIe siècle, a connu un essor du textile avec des particularités qui sont très, très spécifiques au Pila, puisqu'en fait on a connu l'essor de 5 activités textiles très différentes les unes des autres en fonction des secteurs géographiques de ce territoire. Donc le moulinage, c'est l'opération qui consiste à structurer le fil avant qu'il puisse être tissé. Donc ça, ça a été vraiment l'industrie pionnière. Et à partir de cette industrie, qui finalement produisait la matière première pour toutes les autres activités, se sont développées des activités de tissage. Donc à l'origine, tissage de soie pour faire des étoffes, des activités de dentelle de lion, des activités de rubannerie avec des mécaniques jacquard, et une activité de tressage. Donc quelque chose qui est très riche, avec des savoir-faire qui sont très importants. Et on a la chance sur le territoire que ces activités connaissent encore des entreprises qui sont en activité pour toutes les activités. C'est-à-dire sur les 5 activités que j'ai citées, il y a encore des entreprises qui sont existantes, donc avec un patrimoine de savoir-faire qui est important, mais aussi un patrimoine bâti. Alors précisément, si on devait situer ou cartographier géographiquement, j'imagine aussi que sur l'ensemble de ce territoire, c'est très localisé en termes aussi d'activité. Vous parlez de moulinage, cela signifie qu'on a besoin aussi d'eau, pour exemple. Donc on est aussi sur certaines vallées et certains secteurs, peut-être, où ces activités-là sont concentrées aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui. L'essor du textile dans le Pilat est étroitement lié aux ressources en eau qui sont sur le territoire et qui servaient de source d'énergie pour toutes les activités. Donc effectivement, on peut situer des vallées. Pratiquement toutes les vallées ont connu une industrie, alors qui n'est pas nécessairement uniquement textile, mais qui utilisait l'eau comme source d'énergie. Et les secteurs textiles que j'ai nommés tout à l'heure sont très localisés pour ce qui est du tressage sur ce qu'on appelle donc plutôt du côté nord sur la vallée du Dorlay. Sur le Haut-Pilat, donc secteur Saint-Genès-Malifaux, Jonzieux, etc., la rubannerie Jacquard, dans la mouvance de la rubannerie stéphanoise. Et puis, donc, une grande bande qui va de Pélussin jusqu'à Bourg-Argental sur le tissage de soieries. Et puis, des choses un petit peu plus en termes de spot sur quelques communes, sur la dentelle de Lyon. Tout ça étant bien évidemment étroitement lié à la soierie lyonnaise et, comme je le disais, à la rubannerie stéphanoise. Alors pour poursuivre un peu avec cette présentation du parc du Pilat, si l'on parle de population, est-ce que toutes ces activités ont fait venir des personnes des environs ou est-ce que ce sont les habitants déjà installés qui se sont formés à tous ces métiers-là ? Alors à l'origine, effectivement, les entreprises qui se sont installées ont embauché de la main-d'œuvre locale, mais très vite, vu que l'essor a été très très important, on a fait appel à de la main-d'œuvre française de la région, mais aussi de la main-d'œuvre étrangère. Il y a entre autres beaucoup de Polonais qui sont venus pour travailler dans les usines textiles du Pilat. Comment s'articule, Didier Lazareski, la question du patrimoine et celle d'un parc naturel sur lequel sont implantées ces activités? Alors, par définition, les parcs naturels régionaux, j'ai pas spécifié que le parc naturel existait depuis 1974, donc c'est déjà un vieux parc, c'est ce qu'on appelle les parcs de première génération. Et par définition, les parcs s'intéressent au patrimoine. Et pour nous, c'est vrai que l'approche du patrimoine est quelque chose de relativement récent par rapport à d'autres parcs. Et on a fait l'entrée patrimoine pour le parc du Pilat, c'est axé plutôt sur le textile, parce qu'on s'est rendu compte que cette histoire qui avait été souvent douloureuse, parce que les dernières usines ont fermé dans les années 2000, les grandes usines textiles, ça a été donc quelque chose de douloureux pour les populations dans beaucoup de communes. Et du coup, il y a une chape de plomb qui s'est un petit peu posée pendant quelques années autour de ça. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a les habitants, ça correspond vraiment à une culture locale. Et ils ont envie de retravailler autour de ces questions. Et on se trouve en plus dans un contexte aujourd'hui plus national, où effectivement, le textile est en train de se relocaliser, de repartir. Donc on pense qu'il y a vraiment quelque chose à mettre en œuvre autour de ce patrimoine. Et pour nous, le patrimoine est vraiment conçu comme une ressource territoriale sur laquelle il est possible de rebâtir du projet, et en particulier du projet économique. Oui. C'est vraiment notre approche, quoi. Ressources économiques, en même temps relance, si l'on peut dire aussi, de ces activités, qui passent aussi par une question de savoir-faire, ainsi que l'évoquait Nicolas à l'instant. Et c'est aussi un cheval de bataille que vous menez, Didier Lazareski, sur cette question du savoir-faire ancien, finalement, la transmission, finalement, qui intervient aussi à ce niveau-là. Hein. Tout à fait. Donc on a un petit peu le pari fou de constituer ce qu'on a appelé un conservatoire des savoir-faire rares à travers des outils qu'on met en œuvre aujourd'hui, entre autres avec un partenariat avec le musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, où on va capter en fait les savoir-faire, là pour l'instant donc des rubaniers sur mécanique Jacquard, où on va les capter à travers des systèmes vidéo qui sont adaptés. Pour faire en fait des sortes du rubanier pour les nuls, quoi, grosso modo, où l'idée c'est que quelqu'un qui n'a jamais exercé dans ce métier-là puisse, à travers les outils qui sont mis en œuvre, retrouver ou reproduire les gestes des rubaniers sur les métiers Jacquard. Et donc on a l'ambition de reproduire ça sur tous les métiers les métiers textiles qui existaient dans le Pilat. Et quand je dis existaient, je disais tout à l'heure qu'il y a effectivement des entreprises qui fonctionnent encore, donc on a la ressource pour aller capter ces savoir-faire, mais on a également ce qu'on appelle des savoir-faire dormants. performants, c'est-à-dire des personnes qui détiennent un savoir-faire qui aujourd'hui n'est plus en activité. Et on a l'ambition aussi de retravailler autour de ces savoir-faire qui ne sont plus exercés aujourd'hui, mais dont on a encore les compétences sur le territoire. Je pense en particulier aux fabricants de peignes à tisser, donc une technique très particulière qui était beaucoup développée sur le secteur de Bourg-Argental en particulier, et où on a des personnes qui sont encore capables de faire ce savoir-faire, d'exploiter ce savoir-faire. Oui, de savoir-faire dormant à savoir-faire vivant. Tout à fait. Pour des métiers qui parfois sont plus que centenaires et qui peuvent être encore utilisés sur certaines activités. Alors le retour de ces activités-là, mais aussi, c'est l'objet de notre émission, c'est la mutation des activités dans le bâti, et notamment ici à Saint-Julien-Molamolette, et ces usines qui se sont transformées au fur et à mesure en ateliers d'artistes. On va en parler très prochainement dans cette émission. Et oui, des oiseaux, des grillons, ambiance assez naturaliste finalement, des sons proposés par Anne Dubos qu'on va retrouver durant cette émission, mais qui nous permettait là aussi de se situer de façon sonore aussi dans ce parc naturel régional, et on va finalement réduire la focale et revenir ici à Saint-Julien-Molamolette. Voilà, oui, pour nous en parler, c'est Fabien Plasson qui est donc élu à Saint-Julien-Molamolette et également élu sur le parc du Pilat. On l'évoquait juste avant la petite pause et la petite virgule qu'on a eue il y a quelques secondes. On évoquait cette mutation ici dans cette ville où on a vu l'arrivée d'artistes dans ces usines qui ont fermé depuis les années 80. Donc on va rester un peu dans l'histoire du patrimoine et puis l'évolution. Alors Fabien, ville d'artistes ou pas Saint-Julien-Molamolette ? Bonjour. Effectivement, Saint-Julien est une ville qui, comme disait Didier, a une forte présence des usines, puisque c'est vraiment, je pense, dans le parc, un des villages où les usines sont encore bien présentes et assez grandes. Et c'est vrai que dans les années 80, fin 70-80, quand l'industrie textile a commencé un peu à baisser d'activité pour aller ailleurs, c'est un peu l'immigration des industries. Elles venaient de Lyon, Saint-Étienne, après elles sont venues à la campagne et après dans l'Est de l'Europe. Et à cette époque-là, la municipalité avait eu l'idée assez ingénieuse de ne pas laisser mourir ces usines et elles ont mis en vente ces usines pour que des artistes puissent venir s'en emparer. Les artistes, ils ont toujours besoin d'avoir un peu un espace pour travailler, que ce soit des artistes peintres, plasticiens, parce qu'il leur faut un atelier pour travailler, ou si c'est des musiciens, parce qu'il faut aussi avoir un lieu de répétition, pouvoir s'installer et travailler. Et du coup, très vite, Saint-Julien a accueilli du monde dans ces usines qui fermaient. Et ce qui est assez fort dans cette présence d'artistes qui sont arrivés, c'est qu'en fait, ils sont tombés en amour du village et de ces usines. Et du coup, ils s'en sont emparés, ils font vivre ces bâtiments. C'est une seconde vie pour tous ces bâtiments qui ont fait quand même le village. Parce que si on parcourt le village de Saint-Julien, les gens sont surpris. Moi, on m'a déjà dit, un artiste qui était venu à Saint-Julien, qu'il était surpris par l'ampleur des bâtiments, ce côté. D'ailleurs, on parle d'usine cathédrale, ce que vous disiez tout à l'heure. Parce qu'en fait, effectivement, on a des grandes usines qui sont même très imposantes, mais aussi la plupart des habitations ont été construites pour accueillir les ouvriers et les ouvrières. Et du coup, on a toute une architecture qui date vraiment du 19e siècle et ce sont des grands bâtiments pour pouvoir accueillir du monde au sein de ces usines. Voilà. Usine cathédrale, de grands espaces, de grands volumes qui occupent en effet énormément la commune, hein, en termes aussi d'espace. Mmh. Alors, vous évoquiez la fin de cette activité, mais est-ce qu'elle l'est réellement ? Parce que, alors, localement, si on veut aussi resituer un peu précisément les choses, je crois que ce sont à peu près 16 usines qui sont présentes ici sur la commune. Alors, on entend parler de Sainte-Marie, de Saint-Joseph, de Bobichon, de Sainte-Julie, d'autres. Est-ce que véritablement ces activités sont terminées aujourd'hui ? Une forme de désindustrialisation qu'on a connue aussi en Fonds-de-Vallée, finalement. Est-ce que c'est véritablement le cas aujourd'hui ? Alors effectivement, donc pour ce qui est vraiment des soieries, effectivement, ce que disait Didier tout à l'heure, la dernière usine de soieries, qui était l'usine Perrier, qui est dans la rue principale du village, s'est arrêtée en 2000. Ce qui veut dire que les personnes de ma génération et même la génération d'après ont connu encore le Bistan Claque qui tournait dans le village, parce qu'en plus cette usine-là était située en face de l'école publique. Donc vraiment, on est dans le centre et on a tous et toutes grandi dans ce village avec ce son-là, jusque dans les années 2000. Après, voilà, l'industrie textile en tant que telle, elle n'existe plus, mais comme je disais, des artistes et des artisans s'en sont emparés et les font vivre. Et en termes d'industrie, on avait aussi, par exemple, une fonderie dans le village qui était assez importante, qui, elle, a fermé aussi il y a quelques années parce que les fondeurs sont partis à la retraite. Mais, par exemple, cette fonderie continue d'exister parce que maintenant, une association s'est créée et on peut visiter assez régulièrement comment fonctionne la fonderie. Et d'ailleurs, on peut même faire fondre des objets. Voilà. Alors, j'ai une question justement sur ce qu'évoquait Didier Lazarski tout à l'heure, c'est-à-dire sur cette relance aussi et cette envie de finalement réactiver aussi ce savoir-faire local et ses activités. Ça ne semble pas le cas ici. Comment s'opère aussi finalement ce choix entre à la fois une volonté de maintien des espaces, mais pour les mettre à disposition de nouveaux projets, on va dire artistiques ici, et de ne pas vouloir tendre vers peut-être une relance d'activité de par ce savoir-faire et cet artisanat ancien et historique. L'idée qu'on commence à évoquer avec la municipalité, c'est de se dire qu'effectivement, tout ce secteur culturel et artistique qui s'est développé sur le territoire, il s'est développé parce qu'il y avait du patrimoine. Et l'idée, c'est de, quand je parlais tout à l'heure des savoir-faire, c'est de s'interroger sur savoir comment on arrive à articuler ces deux éléments à travers ce qu'on peut appeler l'art textile, finalement, qui s'appuie finalement sur le patrimoine, et en particulier sur le patrimoine des savoir-faire, pour se dire comment des savoir-faire anciens peuvent être pris en charge par des artistes pour réinventer du textile que peut-être on n'imagine pas aujourd'hui. Et c'est toute la démarche qu'on voudrait essayer de proposer à la municipalité, mais aussi aux habitants du territoire et aux artistes qui sont présents, de se dire comment on arrive à réarticuler finalement la démarche artistique avec les savoir-faire et le patrimoine qui existe sur cette commune qui est... Et je pense qu'y compris des artistes qui sont dans ce village, ils ne se rendent pas forcément compte de l'aura que peut avoir Saint-Julien-Molin-Molette à l'échelle régionale, voire à l'échelle nationale. Et c'est quelque chose c'est quelque chose sur lequel on peut, me semble-t-il, s'appuyer pour recréer de l'activité artistique et qui est aussi de l'activité économique, en fait. Alors, on reviendra sur ce sujet dans cette émission un peu plus tard, sur la présentation de ces projets artistiques et ceux à venir. On a parlé de sons, ce sera avec Anne Dubos aussi, où on va parler de ces sons-là, le Bistan Claque, mais d'autres choses, c'est rapport à votre projet sonographie. Restons avec vous, Didier, sur peut-être encore l'histoire, mais les premiers artistes qui sont venus ici, qui sont-ils, ces pionniers, quel a été finalement cet effet d'entraînement et d'enchaînement avec l'avenue des autres. Alors là, je m'appuierai peut-être plus sur Fabien également, sur les premiers artistes. Alors l'époque, c'est la fin des années 70, début des années 80, on va dire, avec un pionnier, on va dire, Jean-Pierre Huguet, donc, qui est éditeur, qui s'installe le premier, me semble-t-il, dans l'usine, dont je ne me rappelle plus le nom exactement, mais enfin une des usines, et qui, à partir de là, fait lui-même toute une démarche pour essayer d'accueillir de nouveaux artistes dans ces usines où il y a effectivement de la place. Donc aujourd'hui, on est dans une génération d'artistes et de gens de la culture qui arrivent en fin de carrière finalement dans ces usines et qui, je crois, réfléchissent ardemment sur quel devenir par rapport aussi à ces usines et à l'occupation de ces usines. Alors, on va dire 20 ans de cessation d'activité progressive, la dernière a bouclé début des années 2000-2003. 2003, ouais. En préparant cette émission et en étant ici présent sur ce bistrot des Pirailleuses à Saint-Julien, j'ai vu une petite affichette à l'entrée indiquant une inauguration d'une salle Michel Bernard, artiste installé ici. Donc, inauguration officielle, c'était cette fin de semaine dernière, fin septembre. Ce qui veut dire que voilà, l'activité, la démarche, l'enthousiasme se poursuit en tout cas ici localement. Ces lieux continuent d'être bel et bien occupé. Exactement. De toute façon, Michel Bernard fait partie de la première salle d'artistes, on va dire. Michel Bernard, donc, qui est une compositrice-interprète qui est à l'origine lyonnaise et qui est arrivée en 80 à Saint-Julien, grâce à Jean-Pierre Huguet d'ailleurs. Et donc voilà, 40 ans qu'elle œuvre sur Saint-Julien, qu'elle s'inspire des usines. Si on écoute vraiment certains albums, on voit qu'il y a vraiment cette inspiration-là, et c'est pour ça que la commune a voulu donner son nom à la salle des fêtes, qui est une ancienne usine, qui est l'ancienne usine Saint-Joseph. Et voilà, on voulait justement commémorer ces artistes et plus principalement Michel Bernard en renommant cette usine qui accueille et Michel et ses concerts, mais aussi toutes les activités comme son festival musical usine qu'elle fait tous les deux ans. En termes quantitatifs, sur ces usines, 7 sites existants ici sur la commune, on compte combien de réoccupations aujourd'hui et s'il fallait même donner encore quelques chiffres de compagnies, d'artistes ici installés? Alors ça, c'est compliqué. Moi, je pense qu'on a facilement bien une dizaine d'artistes ou artisans qui sont installés, même peut-être plus. Je dirais plus. Oui, mais effectivement, on peut voir, on a l'usine Sainte-Marthe qui est très occupée, entre autres par Jean Villevieille qui est avec nous. Qui nous a rejoint. Qui est sérigraphe, mais on a aussi Gisèle Jacquemet qui est designeuse et plasticienne, qui travaille d'ailleurs beaucoup le tissu. Et elle a vraiment un lien avec le tissage. On a bien dans cette usine aussi un lieu d'exposition qui s'appelle le Mur du Fond, qui est dirigé un peu par tous les l'ASCI, mais dont Jean-Pierre Huguet aussi. Ouais. Alors une occupation mutualisée. Voilà. SCI. Alors cela m'amène à une question peut-être un peu technique, mais sur laquelle on peut peut-être ne pas faire l'impasse. C'est de quelle façon s'opère aussi l'occupation de sites industriels. J'imagine que par des questions juridiques, sanitaires et autres, ce n'est pas chose évidente. Comment s'opère, une transformation, finalement, de projet? Alors, je pense que c'est une des grosses problématiques actuelles des artistes qui sont installés dans ces usines. Alors, c'est eux qui ont la maîtrise, puisqu'ils sont propriétaires, sous forme de SCI, comme on l'a évoqué. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une des questions majeures qui se posent. Alors, je me tournerai peut-être vers Jean tout à l'heure pour qu'il le précise, mais il me semble que toute la question de ces usines, c'est aussi des questions liées aux normes qui peuvent exister en matière d'accessibilité, en matière de sécurité, des choses comme ça. C'est pas des bâtiments qui aujourd'hui sont des bâtiments qu'on appelle ERP, c'est-à-dire susceptibles de recevoir du public. Donc c'est vrai que c'est des enjeux qui sont importants et où finalement on s'interroge collectivement pour savoir comment on peut résoudre ces problèmes-là, sachant qu'on est sur du domaine privé et que donc les collectivités ont du mal à intervenir directement sur ces questions-là. Quoi. Oui, et puis c'est très difficile pour les propriétaires parce que ce sont des grands bâtiments qui ont l'air solides et facile à entretenir, mais justement non. Et ils sont, nous, on a eu ces dernières années 2 incendies dans ces usines-là, parce qu'effectivement, toutes ces machines avaient énormément de graisse, c'est du bois, Et dès qu'il peut y avoir un petit problème, et donc voilà, ça c'est un gros problème pour les propriétaires qui doivent faire très attention, plus que dans une habitation standard. Jean Villevieille, peut-être si vous voulez. Oui, Didier, n'hésitez pas. Non, je voulais juste préciser qu'en plus, quand on voit l'ampleur des bâtiments, les moindres travaux d'entretien, ça prend des ampleurs qui sont énormes. Quoi. On imagine, ou pas. Mais Jean Villevieille, justement, vous pouvez témoigner, on vous retrouvera tout à l'heure. Hein, mais juste sur cet aspect-là de montage, alors bon, pouvant répondre comme ça à une volonté déjà politique, c'est déjà un certain confort, hein, pour pouvoir avancer sur un projet. Mais témoignage aussi de ces montages qui peuvent être peut-être parfois justement complexes, techniques et autres. Oui, bien, bonjour. Bonjour. Effectivement, je suis sérigraphe. Je suis, je crois, le dernier artiste installé à Saint-Julien-Molay-Molette depuis à peine 2 ans. Je connais le village depuis des années, grâce à mon amitié avec Jean-Pierre Huguet, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, je suis un des occupants de l'usine Sainte-Marthe. Alors, l'usine Sainte-Marthe, effectivement, c'est un bâtiment gigantesque, c'est une véritable cathédrale, elle fait 77 mètres de long, 17 mètres de haut et 10 mètres de large, et sur 3 niveaux, donc 2100 mètres carrés de plateau. Effectivement, l'entretien de ce genre de bâtiment, il faut que chacun des locataires ou propriétaires, enfin, ou copropriétaires de la SCI, fasse beaucoup de choses par eux-mêmes. Il n'est pas question de... Impossible d'avoir des aides. C'est... Heureusement, on est tous énormément bricoleurs. Il y a dans Sainte-Marthe, il y a un sculpteur, il y a Gisèle, dont on parlait tout à l'heure, qui est graveuse. Moi, je fais de la sérigraphie. Il y a Alex qui fait de la soudure, du bois, etc. Donc, on arrive à maintenir les lieux en parfait état. Mais... Donc, juste pour exemple, Jean, vous avez rejoint une SCI, vous avez des parts dans le projet, enfin comment ça s'est passé ? Moi, je ne suis rien dans la SCI, je suis locataire de Jean-Pierre Huguet, qui, lui, est majoritaire dans cette SCI. Très bien, merci. Il a trouvé le chemin ! À la découverte des parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes. Eh bien voilà, on plonge dans ces métiers. On a parlé du piste-en-claque tout à l'heure. On en est proche ou pas, mais on va nous préciser, ou vous allez nous préciser tout cela, Anne Dubos. Vous êtes donc ethno-anthropologue, mais on peut dire aussi artiste transmédia. Hein, je crois que c'est un petit peu ce qui vous caractérise. Un extrait sonore que vous avez collecté par vous-même pour un projet intitulé « Sonographie ». Et il s'agit d'une expérience sonore et d'écoute, en l'occurrence. Présentation en quelques mots de ce projet que vous avez conduit, pas seulement sur le parc du Pilat d'ailleurs. Alors pour précision, l'extrait sonore, c'est Franck Besson de l'usine Perrier qui me l'a transmis, n'a pas été enregistré par moi parce que les machines n'ont jamais tourné de mon vivant d'actualité à Saint-Julien. Comme l'usine a fermé en 2003, j'ai jamais pu, moi, entendre ce son-là que par enregistrement. Donc ce sont les dernières traces sonores. C'est une archéologie, en tout cas c'est une archive sonore. Ouais. Moi j'ai reçu une bourse de la DRAC, cofinancée par les parcs naturels régionaux du Rhône-Alpes, pour essayer de mettre en valeur, comme vous le disiez, dans chemin faisant, c'est-à-dire les cheminements qui se font sur les parcs naturels régionaux du Rhône-Alpes. 3 parcs avaient été sélectionnés, comme vous l'avez dit, au préalable. Le premier, c'était la Chartreuse, qui mettait en valeur le sentier des Huguenots, qui est un chemin d'exil. Le deuxième, c'était les Monts d'Ardèche, avec la Trans-Sévenol, qui est une voie de train sur laquelle un train n'a jamais circulé. Donc c'est finalement une espèce d'architecture complètement mise en place pour que le train ne circule pas, qui a été abandonné avant même que le projet se réalise. Et puis le troisième sentier mis à mettre en valeur, disons, c'était le sentier de Saint-Jacques de Compostelle. Donc on travaillait sur des sentiers de grande randonnée. Saint-Jacques, voilà, qui passe à travers Saint-Julien-Molin-Molette et à travers le parc naturel régional du Pilat. Ma proposition, c'était celle de travailler sur l'écoute. Donc comment valoriser un patrimoine immatériel ? Mon idée, c'était qu'au lieu de faire du relevé graphique ou photographique, comme je fais d'habitude, je travaille souvent avec des installations médias qui travaillent avec de l'image, je me suis intéressée au son et à savoir qu'est-ce qu'on peut entendre ou écouter quand on est un promeneur sur ces sentiers. Et alors, je suis allée faire les randonnées moi-même et j'ai fait des extraits d'enregistrement. Donc, j'ai travaillé sur l'idée d'une écologie de l'écoute avec, au départ, une entrée sur qu'est-ce qu'on entend comme son de la nature. Et puis, ensuite, j'ai voulu comparer mes résultats ou ce que j'entendais moi avec ce que les personnes entendent elles-mêmes. Donc, je suis allée interviewer les personnes qui se promènent sur ces mêmes sentiers ou les habitants qui habitent à proximité du sentier et à savoir notamment ce qu'ils entendent quand ils sont chez eux. Mon problème ici à Saint-Julien-Molin-Molette, alors qu'en Chartreuse j'avais pu entendre beaucoup d'analyses territoriales, les personnes ont des souvenirs ou des mémoires qui sont héritées ou transmises par leurs parents, leurs grands-parents, on vous dit qu'ils entendent par la fenêtre la fonte des glaces au printemps ou alors les oiseaux qui sont dans telle forêt en relation avec le sens du vent. Ici, à Saint-Julien-Molin-Molette, à chaque fois que j'ai demandé aux habitants « qu'est-ce que vous entendez depuis chez vous ?», on m'a répondu « oh bah rien ». Ou alors « ici, pas grand-chose, on a de la chance ». Alors j'étais bien embêtée pour faire mon analyse sonore ou d'interview, puisque en fait on n'avait rien à me dire. C'était un peu comme faire la preuve qu'il n'y avait pas de son à Saint-Julien-Molin-Molette. Alors je me suis longuement demandé ce qui pouvait s'y passer, qui fasse que personne n'entende rien. Je me suis dit d'abord que c'était des primo-arrivants qui venaient s'installer à Saint-Julien-Molin-Molette et qui n'avaient aucune connaissance du territoire, donc en incapacité de formuler des connexions avec leur lieu d'habitation. Cependant, moi, j'entendais beaucoup de choses alors que je venais juste d'arriver. Donc je me suis dit qu'il y avait sans doute une autre explication. Je me suis installée un petit peu plus longtemps à Saint-Julien-Molin-Molette, comme j'ai beaucoup aimé le territoire et le village. Je suis devenue une habitante et j'ai continué mon enquête. Et finalement, j'ai fini par comprendre que si personne n'entend rien ici, c'est sans doute parce qu'on entend toujours le bistanclaque. On entend toujours, parce que si on me dit qu'on est incapable d'entendre quoi que ce soit du son du parc lui-même en tant que lieu de nature ou habitat animalier, on entend pourtant, on me dit toujours « Ah, mais le bistanclaque, vous savez, le son des usines. » Et ça, on me le dit, même des primo-arrivants me transmettent la mémoire du son de ces usines, même s'ils ne les ont pas entendus. Alors c'est ce que j'ai essayé de mettre en valeur dans mon rapport anthropologique, c'est-à-dire que finalement le vacarme des usines fonctionne un peu comme l'assommoir de Zola, c'est-à-dire qu'on n'entend plus rien, les habitants du territoire n'entendent rien parce qu'ils n'ont pas été initiés au sens de l'écoute et qu'on est en incapacité d'activer une capacité de formuler des mots ou de décrire une expérience sonore si on n'y a pas été initié par son groupe social, que ce soit sa famille, l'école, etc. Donc comme à Saint-Julien, on n'entendait rien d'autre pendant longtemps que le vacarme des usines, eh bien, les habitants n'ont pas vraiment développé ce qu'on appelle une taxonomie de l'écoute, c'est-à-dire un vocabulaire et une capacité à décrire leur expérience sonore. Donc c'est ce qui ferait la spécificité ici du Pilat, finalement, comparativement, je veux dire, à la fois au Mont d'Ardèche et à la Chartreuse. Sur les trois territoires, en tout cas, oui, c'était la spécificité que j'ai pu faire émerger en un temps de terrain un peu limité. Comme ça. Et selon vous, qu'est-ce qu'exprime finalement ce silence relatif ? C'est-à-dire cette non-écoute ? Bah, la non-écoute, c'est une manière de... En fait, vous savez, quand vous êtes dans votre cuisine et que votre frigo fait beaucoup de bruit, au bout d'un moment, vous ne l'entendez plus. Mais quand vous arrivez chez quelqu'un et que le frigo fait beaucoup de bruit, vous l'entendez. Et ça, en fait, c'est qu'on se coupe naturellement. C'est comme vous ne sentez pas votre montre sur votre poignet. Parce qu'en fait, une sorte de bruit de fond, de bruit blanc, alors, comme on dit souvent en radio. Voilà, c'est comme un bruit blanc, mais là, c'est un peu plus que blanc, qui fait tellement de bruit qu'on se coupe du sens qui nous gêne. C'est-à-dire qu'humainement en parlant, pour survivre, vous êtes obligé à un moment donné de... Les gens qui habitent à Paris sur les grands boulevards n'entendent pas le bruit du boulevard. Hmm. En revanche, quand vous y arrivez, vous, ça vous choque. Alors, pour faire le lien avec la question aussi aujourd'hui du patrimoine, il y a cette sorte de fantasme, finalement, collectif. Parce qu'entendre le bruit des usines alors qu'elles ne fonctionnent plus pour ces primo-arrivants, comme vous le disiez, alors que la dernière usine a fermé il y a 20 ans, c'est chose assez surprenante. Et pourtant, c'est ce qui semble marquer la mémoire collective, l'imaginaire collectif. Alors, comment on articule cette question justement du son et du patrimoine, qui sont pourtant assez évidents parce que nous-mêmes étant installés ici, ce qui fait patrimoine, c'est le son de l'église qu'on vient d'entendre ici. C'est souvent la question du patrimoine matériel, donc du bâti, que l'on va écouter très facilement. Ça peut être les églises, les usines et même l'environnement ici très naturel aussi du site et du parc. Mais c'est tout l'enjeu du patrimoine immatériel et je pense que c'est exactement l'enjeu du projet de Didier. Il nous en parlait tout à l'heure de comment est-ce qu'on va essayer de valoriser des savoir-faire, mais pas seulement le patrimoine immatériel. Donc il va valoriser des savoir-faire et des techniques, c'est-à-dire en fait des choses invisibles et qui disparaissent. Quand on peut garder le bâtiment d'une usine, mais on ne peut pas garder le savoir-faire et la technique de ses ouvriers. C'est pareil avec le son. Une fois que vous avez une activité, il y a un son qui est émis. Si l'activité s'arrête, le son s'arrête. Donc comment est-ce que, en tant qu'artiste ou en tant que chercheur, alors les chercheurs vont sans doute produire des données, des réflexions, des problématiques, et puis les artistes vont s'en emparer pour essayer de produire du matériau qui va être des enregistrements ou une mise en jeu ou une mise en place avec des dispositifs pour un public, des dispositifs interactifs, des dispositifs sonores, essayer de se représenter justement l'immatérialité, tout ce qui a pu exister et qui a disparu, et travailler avec cet imaginaire et cette mémoire. Alors le chercheur justement et la chercheuse que vous êtes, comment on utilise à la fois cette matière que vous avez travaillée, qui est le son, comme alors objet de recherche ethnographique, mais qui est au service d'un projet plus vaste, culturel en l'occurrence, puisque là vous avez répondu à un programme de cet ordre-là, de cette nature-là. Je vous pose la question à vous, Anne Dubos, mais finalement je la pose aussi à Didier ou Fabien, si comment on s'empare aussi d'un travail tel que celui-ci pour alimenter aussi vos à la fois démarches et peut-être politiques entre guillemets en la matière. Donc double question, Anne. En premier lieu. Moi, j'ai tendance à travailler avec des dispositifs numériques interactifs. Je travaille avec des capteurs de mouvement et ensuite, je réfléchis à quelles sont les relations entre gestes et sons. Par exemple, j'ai travaillé avec une danseuse dans la ville de Paris. J'ai enregistré la ville de Paris et j'ai essayé de lui faire danser le paysage sonore de la ville de Paris. Et c'est un peu ce que j'essayais de faire ici dans le Pila. Donc, on peut mettre en relation le son, le mouvement du corps de l'acteur ou du danseur. Et ensuite, on peut reproduire ça dans un dispositif muséal, par exemple, où vous invitez votre public, à travers des objets qu'il peut manipuler, à manipuler le son autour de lui. Donc vous avez le design sonore du sound surround et vous avez également le mouvement du corps qui permet de se mettre en relation avec un patrimoine immatériel. Ça, c'est mon travail en tant qu'artiste, mais qui se nourrit de mon travail de chercheur. Ensuite, je laisse Didier répondre. Didier Lazareski. Moi, je dirais que la question du son, pour moi, dans le domaine artistique, c'est un outil de médiation, justement. Et c'est assez curieux parce que dans les outils qu'on utilise quand on veut faire de la captation de savoir-faire, on les fait en muet, c'est-à-dire qu'on laisse pas... on filme l'opérateur qui est en train d'exercer son savoir et on lui dit de ne pas parler parce qu'en fait, ça entraîne un biais sur la compréhension du geste qu'il est en train de faire, parce qu'il a tellement incorporé ce geste que toute parole, en fait, devient parasite par rapport à son geste. Et donc, c'est assez curieux par rapport à ce que dit Anne, parce que, de fait, on travaille, nous, sur le non-son, sur la captation de savoir-faire. Mais je pense pour autant que c'est important que le son, dans un environnement, puisse devenir un outil de médiation sur ce qu'on voit et sur ce qu'on perçoit, en fait, et que souvent l'oreille est oubliée dans les projets artistiques, alors que c'est très important. Votre appréciation, Fabien, aussi par la casquette, je dirais, politique, en tant qu'élu aussi, à la fois ici de la commune, mais aussi du parc, hein, finalement. Comment on s'empare d'un travail tel que celui-ci ? Dans un premier temps, on s'en empare parce que pour apprendre à découvrir et à connaître un peu mieux notre territoire, effectivement, les conversations qu'on a avec Anne, enfin moi qui suis originaire du village, j'apprends et je découvre des choses de mon village. Mais après, surtout, voilà, nous, notre rôle, c'est surtout aussi d'accompagner Enfin, Anne, elle est en résidence à l'espace Michel Bernard, justement, depuis l'année dernière, pour continuer et poursuivre son travail, celui-ci, mais aussi tous les autres projets, parce que Anne déborde de projets. Et voilà, mais pour nous, c'est vraiment, dans un premier temps, voilà, vraiment une manière d'apprendre et de connaître un peu plus, et avec, bien sûr, la perspective de le partager avec tous les habitants et les habitantes du territoire, pas que de Saint-Julien d'ailleurs. Alors justement, partager ce travail sonographique, comment on le présente ensuite au public qu'on est allé voir, qu'on a interrogé? Est-ce qu'il y a eu des restitutions? Est-ce qu'il y a des discussions autour de ça? Alors moi, malheureusement, la fin de ma résidence s'est trouvée en même temps que le couvre-feu, les restrictions Covid, etc. Donc il y a eu quand même l'expérience ethnographique de base, c'est que ce que vous postulez au départ ne va pas fonctionner et toute la méthodologie que vous pourrez mettre en amont en place va s'effondrer sur place. Et ça, c'est-à-dire se mettre à l'épreuve du terrain, c'est accepter que les présupposés vont être faux. Donc il faut quand même rester vigilant. Et donc là, j'ai quand même eu du mal à faire ce que j'avais envisagé de faire au départ. Cependant, j'ai produit un site internet, enfin sous forme d'un Padlet, mais qui met à disposition du public des entretiens, des textes, des réflexions. Et aussi aujourd'hui, je travaille à la production d'articles scientifiques et également je communique dans des colloques. Et en plus, la particularité de votre passage ici, c'est que ce passage-là reste un moment permanent. Vous avez décidé de vous installer. On évoquait le fait de vos résidences aussi artistiques. Donc on peut vous croiser ici régulièrement. Et c'est un peu la question à laquelle on revient sur l'installation d'artistes. Et notamment avec Jean Villevieille qui a installé son atelier de sérigraphie. On en parlait tout à l'heure. Pourquoi venir ici? Alors c'est l'opportunité, j'imagine, c'est le fait d'avoir un espace, mais est-ce qu'on cherche aussi une dynamique un peu collective? Absolument. J'ai d'excellents rapports avec Jean-Pierre Huguet, j'en parlais tout à l'heure. Nous avions déjà fait plusieurs sérigraphies ensemble, étant donné que Jean-Pierre en avait fait fut un temps. Moi, il y a 2 ans, j'étais installé à Ambert, dans le Puy-de-Dôme. Et l'atelier que j'avais ne convenait pas parce qu'il n'était pas en rez-de-chaussée, c'était très compliqué. Jean-Pierre me dit, j'ai de l'espace, viens, si tu as envie, viens t'installer à Saint-Julien. Comme j'adore ce village, et donc je suis venu m'installer ici. J'ai habité chez Jean-Pierre pendant un certain temps et maintenant j'habite ici, juste en face de cette place à Saint-Julien. Je suis devenu un vrai piraillon, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle. Donc, je bénéficie d'un espace absolument fabuleux. Le principal de mon atelier fait quand même 100 mètres carrés avec 5 mètres 40 sous plafond. Ça laisse des murs impressionnants pour pouvoir exposer mon travail. Et puis, surtout, on ne se cogne pas les coudes dans tous les coins. On a beaucoup, beaucoup de place. Alors, rappelons aussi votre activité. Vous êtes éditeur de sérigraphie. Vous faites donc de la sérigraphie à partir d'œuvres d'autres artistes. Voilà, je travaille avec, depuis 45 ans de carrière, j'ai travaillé avec 120 ou 130 artistes, j'ai perdu le compte, des gens très très célèbres, et puis aussi ça peut être des étudiants de Beaux-Arts, puisque j'ai été intervenant dans 5 écoles différentes, et aussi à la fac de Santé en Master 2. Donc j'ai beaucoup recruté de jeunes élèves. J'ai eu l'occasion dans ma vie de former des sérigraphes, deux jeunes femmes. Une qui a travaillé avec moi pendant 5 ans et une qui a travaillé pendant 7 ans avec moi. C'est presque... C'est plus de l'apprentissage, c'est un disciple. Cette jeune femme est installée à Saint-Étienne, a une très belle boutique et fait toujours de la sérigraphie. Donc c'est un peu ma fierté. Moi, je travaille avec des artistes, évidemment, locaux, mais surtout parisiens, voire internationaux. Alors, pour terminer un peu avec votre installation ici, installation dans une usine cathédrale, est-ce que ça aide dans l'activité, notamment de séchage de ces sérigraphies? Est-ce que, aussi, peut-être par hasard, on se retrouve dans un lieu propice à cette activité-là? Absolument. Et effectivement, je peux me permettre de faire du plus grand format, de faire de plus de travaux importants en volume. Et effectivement, le confort est absolu pour travailler. Voilà. Merci Jean. On va faire une nouvelle petite séquence audio, Anne Dubos, ou sonore, je ne sais comment dire. En tout cas, vous avez collecté et vous avez finalement catégorisé ces sons. Ça vous a permis d'interroger cette mémoire des lieux. Alors c'est très intéressant parce que dans les sons que vous avez justement catégorisés, collectés, j'ai pu voir qu'il y a la marche qui s'entend par les bâtons qui tapent, les pas, bien sûr, dans la nature, le trafic routier, les bâtis, on l'a dit. Alors, chose intéressante, parce que là, on va entendre un son que le public ici, aux Pirailleuses, connaît très bien, puisque c'est les sons de l'église de Saint-Julien. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez collecté et précisément aussi différencié des autres sons d'églises d'autres communes, par exemple, et celle-ci a une écoute, précisément, une proposition, en tout cas, sonore particulière, si vous voulez le préciser, Anne, et l'annoncer, finalement, juste avant que l'on puisse l'écouter. C'est une chose qu'on ignore, parce qu'on est dans un pays anticlérical, et la séparation de l'Église, la loi de séparation de l'Église et de l'État a fait que on n'est pas vraiment un pays qui est porté sur la question de la religion, mais c'est quand même une culture à connaître. Les cloches, elles sont fondues et elles sont fabriquées avec une tonalité particulière. Et souvent, ce sont des artistes, en tout cas des artistes qui vont faire les cloches, qui vont faire une tonalité particulière. Et chaque commune a une sonorité différente. Et ce qui est intéressant quand on est marcheur, c'est qu'en fait, on peut s'orienter. Et d'ailleurs, les gens locaux me disent, je m'oriente parfois quand je suis perdu en forêt, à savoir que par là, c'est Macla, par là, c'est Saint-Julien, par là, c'est Saint-Apollinaire, etc. Donc, c'est intéressant. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé d'aller collecter le son des cloches d'église pour essayer de comprendre comment elles s'organisent dans le territoire, chacune avec sa sonorité propre. Alors, suivez mon regard. Bourg-Argental, c'est par là. Et paysage sonore local, Saint-Julien, c'est ici même. T'es sûr que c'est le bon chemin, là ? Par le même chemin. Oh non, merci, je te laisse chemin. Alors, il est question de parler des projets artistiques qui ont lieu sur ce parc du Pila et peut-être plus particulièrement sur cette commune de Saint-Julien-Molin-Molette. On revient avec Fabien Plasson sur les projets à venir. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a même un qui va être présenté à la suite de cette émission-là à travers une petite balade. Ce projet s'appelle La Maisonnette. Ça, c'est quelque chose qui va arriver bientôt. Expliquez-nous un peu de quoi sera fait les mois futurs et les années futures artistiquement parlant ici. Tout d'abord, avant ce projet, ça reste le travail et l'accompagnement de tout ce que les artistes veulent et créent dans le village. On a aussi tout un projet patrimonial avec le parc qui est en train de se mettre en place, ça fait un an qu'on travaille dessus, où on essaye de créer toute une sorte de communauté sur la rénovation et le travail du patrimoine. Mais dans ce cadre-là, nous et l'ancienne municipalité avons mis en place un chemin piéton qui est au fil de l'eau, le long de notre rivière qui est la rivière du Ternay, qui traverse le village, qui est cette rivière qui avait fait tourner toutes les usines, quasiment toutes les usines du village. Et donc c'est un chemin piéton qui longe justement tout ce patrimoine. Et il traverse ce qu'on appelait le parc du Suc, qui est le long de l'usine Sainte-Marie, qui est l'usine la plus en contrebas, mais en plein centre du village. Et dans ce parc du Suc, le propriétaire, fin 19e, début 20e, Auguste Coron, avait créé tout un parc où il y avait énormément de botanique, d'essence un peu du monde entier. Il avait un observatoire pour pouvoir observer les étoiles, parce que c'était un féru de culture. Et il avait un labo photo. Donc voilà, début 20e, fin 19e, début 20e, donc c'était vraiment un pionnier. Et la particularité de ce labo photo était une petite maisonnette un peu à l'écart du parc, et avec même une extension qui allait au-dessus de la rivière. Un truc, alors quand on voit les photos, si on peut voir toutes les archives du village, un bâtiment assez atypique. Et cette maisonnette, elle a été un peu utilisée pour faire des expositions d'art contemporain, mais elle n'avait pas une vie complètement à l'année. Et on a rencontré toute une équipe qui s'appelle donc Derrière le Hublot, qui est une association qui vient à l'origine d'Occitanie, qui ont mis en place un projet qu'ils appellent Fenêtre sur paysage. Donc ça fait 6-7 ans, si je ne m'abuse, qu'en Occitanie, ils travaillent le long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on y revient. Et l'idée, c'était d'accueillir en différents points des œuvres d'art refuge. Une œuvre d'art refuge, c'est quoi ? C'est une commande à un artiste, designer, plasticien, sculpteur, quel qu'il soit, de créer un refuge pour soit les pèlerins, soit même les habitants et les habitantes, pour pouvoir se poser, dormir une nuit, peut-être juste s'arrêter pour manger. Et donc, ils en ont fait 5-6 en Occitanie. Ça, c'est un succès. La grande star, c'est Super Caillou, qu'on voit un peu partout dans les cartes postales et tout. Et ils ont décidé de venir en Auvergne-Rhône-Alpes pour prolonger ce chemin de Saint-Jacques, pour pouvoir faire donc du coup Genève-Saint-Jean-Pied-de-Port et vraiment traverser toute la France. Et donc du coup, ils ont contacté entre autres le parc du Pilat et d'autres communes ou communautés de communes le long de Saint-Jacques. Et quand ils nous ont proposé le projet, nous tout de suite on s'est dit mais là c'est pour nous. Patrimoine, art, c'est pour Saint-Julien. Donc du coup, on les a rencontrés, on a visité avec Alexia, ici présente du parc, et toutes les personnes derrière le hublot, les différents projets, et on a lancé un projet. Du coup, il fallait quand même avoir du foncier. Saint-Julien, ça a l'air immense, mais en même temps, on est une des plus petites communes, on a très très peu de foncier, et on s'est dit, mais nous, notre paysage du village, c'est l'industrie, ce sont les usines, et donc on a invité derrière le hublot à visiter un peu ce parc d'Auguste Coron et entre autres cette maisonnette qu'on voulait donner une nouvelle vie. Et donc voilà, ça fait un an et demi qu'on travaille dessus avec eux. Et il y a un duo d'artistes qui est tombé amoureuse de cette maisonnette et de ce projet, qui sont Judith Nab et Tessa Jensen, qui sont des artistes néerlandaises. Et donc là, maintenant, on est en train de travailler avec elle sur ce projet. Donc là, on est en train de faire toute une étude de structure pour être sûr que cette maisonnette puisse accueillir un projet. Et tout de suite après, on va lancer ce projet pour que l'été prochain, une inauguration ait lieu. Alors donc, c'est un projet à venir et qui va arriver très vite. D'autres idées, on évoquait la coordination des communes sur le parc du Pilat. Et peut-être que c'est le moment qu'Alexia Palais peut prendre aussi la parole, parce que vous êtes chargée de mission culture sur le parc du Pilat. Comment on coordonne toutes les ambitions de chacune des communes, tous les projets pour donner un sens global à tout ça? Quel regard on porte? Donc effectivement, Fabien l'a bien cité, on a un projet qui est un peu global sur le Saint-Jacques-de-Compostelle. Bah, tout simplement, on invite toutes les communes en fait qui font partie du linéaire, et on les invite. Donc il y a 40 km en fait de Saint-Jacques pour la traversée Pilat. On les invite. On a un autre duo d'artistes qui s'appelle Éric Tabouquier et Nelly Monnier qui vont venir, qui sont des artistes photographes. Donc l'idée, c'est que en gros, on aille faire après du repérage avec les communes, et qu'on aille voir vraiment dans le duo et dans la synergie artiste-élu, et puis après, association locale, habitants, ce qui peut émerger. Donc ben, le projet, il va s'écouler sur plusieurs années. Donc là, on en est à la phase de lancement. Donc dans la coordination, ça va être beaucoup de temps d'échange, de repérage, d'animation autour de tout ça. Alors l'implication des habitants, c'est aussi important, leur montrer, leur expliquer et faire participer aussi à ce qui se passe. Comment vous les en informez? Est-ce qu'il y a des ateliers? Est-ce que ce sont aussi des événements tels que celui-ci, l'organisation d'une discussion? Expliquez-nous la façon dont on va les voir et comment on les implique. Alors tout simplement, là, on en est à une phase un peu de lancement. On peut dire que quasiment aujourd'hui même, cette émission de radio, elle peut s'inclure dans ce projet-là. On n'a pas encore fait de temps d'échange pour le moment à proprement parler. On va être évidemment, nous, dans tout ce qui est médiation sur ce que fait le parc. On a par exemple, nous, sorti un ouvrage sur observer les paysages. L'objectif, c'est par exemple très concrètement faire des ateliers de lecture de paysages, faire ensuite des temps, des sorties nature, mais aussi et tout simplement être dans des temps d'échange et dans des ateliers, dans des sorties. Donc nous, quand on produit en fait des programmes, on a par exemple les rendez-vous de mon parc, on les retrouve sur le site internet tout simplement du parc du Pilat. Donc là, tout simplement, pour vous donner une petite ressource, vous avez donc le site parc-naturel-pilat.fr où vous avez des actualités, où vous avez également le site avec la rubrique culture, donc tout ce qui va être produit, aussi bien le projet qui a été réalisé par Anne, vous avez un onglet sonographie, vous allez retrouver aussi en fait son site internet avec toute la donnée, toute la ressource, les enregistrements qu'elle a pu faire, les interviews, voilà, tout ce qui a été déjà réalisé et tout ce qui va rester, tout ce qui va venir avec Fenêtre sur le paysage va être sur le site internet. Bien sûr, nous on a notre Facebook Parc du Pilat. Donc vous avez en fait la possibilité de suivre les animations. Puis après, nous, bien évidemment, on communique à chaque fois avec les communes, comme aujourd'hui l'IWAP et tous les canaux d'aujourd'hui, donc les réseaux sociaux, etc. Alors, il y a aussi la possibilité de venir sur place, de se promener, notamment à Saint-Julien-Molette, retrouver ces usines-là, aller échanger directement avec les artistes, parce que les portes sont souvent ouvertes, on peut frapper et poser des questions. Fabien, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, vu qu'on parlait un peu de bibliographie et de références, je voulais quand même aussi rappeler ou apprendre, parce que tous les auditeurs ne sont pas du Pilat, qu'il y a aussi l'association Patrimoine Pirayon, qui est une association, comme son nom l'indique, qui œuvre pour le patrimoine local, qui a réédité l'année dernière avec Jean-Pierre Huguet, dont on parle depuis tout à l'heure, je ne sais pas si on avait cité, qui est quand même un éditeur. Et avec Jean-Pierre Huguet, ils ont ressorti un ouvrage qui s'appelle Saint-Julien-Molette et son patrimoine lié à l'industrie textile, qui est un très bel ouvrage pour justement comprendre l'histoire de nos usines. Que de ressources. En tout cas, il y a également aussi Radio Pirayon, pour exemple, qui peut être une ressource possible, comme d'autres radios en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on vous rappelle ce projet, justement, Chemin faisant, à la découverte des parcs naturels de notre région, parcs naturels régionaux. On les remercie d'ailleurs. On remercie le parc du Pilat. Merci à Alexia, merci Didier, Fabien pour la commune de Saint-Julien, Anne et Jean. Témoin ici de cette dynamique artistique locale. Et on précise bien sûr que cette émission sera possiblement réécoutable donc sur les ondes de Radio d'ici, Radio Dio et Radio Ondaine. Et également retrouver toute une série d'émissions développées sur Chemin faisant à la découverte des parcs naturels régionaux en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un projet mené par les radios associatives non commerciales de la Fédération Aura FM, Fédération dont fait partie Radio Ondaine, Radio d'ici et Radio Dio. On va remercier les pirailleuses de l'accueil de ce petit espace en terrasse, le public d'être venu ici. Morgan également à la technique, et puis on se dit à bientôt sur nos ondes respectives et sur les ondes des radios de Aura FM. Au revoir à tous. Chemin. Chemin. Chemin faisant. Chemin faisant. Chemin. T'es sûr que c'est le bon chemin? Chemin faisant. C'était une émission de la Fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes, dit Aura FM, en partenariat avec les parcs naturels régionaux et la DRAC d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci de nous avoir écoutés.